d'ici dans quelques instants, notre train entrera en gare à l'aéroport Charles de Gaulle 2 TGV. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. La SNCF et l'équipe TGV vous souhaitent une bonne journée. Dahlsinneren, Rönkelhof, Nicket, Kamen, Einen, Charles de Gaulle 2 TGV, Lechtaven, Keikroth, Nada, Tunis, Velheit, Inutrein. TGV wenst u een goede dag. Mesdames, messieurs, notre train va être raccordé à un autre train. Votre descente sera possible après cette manœuvre de courte durée. Dames und Herren, on the train wird an ein anderer Train. Tätens diese kurze Prozedur, können Sie noch nicht ausstappen.